Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Et nous allons faire chier du monde maintenant, évidemment, avec Toff, hein, comme depuis tout à l'heure, puisqu'il a décidé de se demander justement. Si vous faisiez plutôt l'amour en été ou plutôt en hiver? Bah c'est ça, c'est-à-dire que j'ai vu cette étude qui dit que plus la température baisse, plus on baise. Et, oui, c'est une manière de voir les choses, effectivement. Bah, c'est une figure de style, tu vois, baisse. Bien sûr, j'ai compris. C'est juste pour la figure, tu vois. Bon, sur le groupe Facebook, on répond hiver apparemment, hein. C'est plutôt en hiver qu'en été. C'est ce que semblerait dire l'étude, hein, puisqu'elle dit que justement, comme il fait froid, on se rapproche et bon, après ça dérape. Et bah c'est ça, dérape, exactement, ouais, tout à fait. Bon, alors ce que je propose, c'est qu'on appelle, on avait appelé à Jean Blou tout à l'heure. On va appeler à Marcinelle maintenant. Mais oui, appelons. Allez, bah c'est parti, direction Marcinelle. Hop là. C'est un peu plus fort le bon, t'entends mal. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce qu'il y a une petite étude qui vient de sortir qui dit que les gens font plus l'amour, plus il fait froid. Et vous manquez un boulot de tête, monsieur. Pardon ? Vous avez les gens prêts à une pareille ? Oui, mais ça ne me dit pas. Donc, est-ce que vous faites plus l'amour maintenant qu'en été ? What the fuck, ta connasse, tu m'emmerdes. Oh, mais on est en pleine forme, Marcinelle, à cette heure-ci, là, 7h54. Je vais vraiment apprécier la question. Il manque un boulot dans votre tête. Bah, on va te faire foutre, hein. Bon, allez, deuxième appel, on va la rappeler à Marcinelle. Il avait l'air tellement en pleine forme. Allez, hop là. C'est parti. Bah, alors, il décroche plus. Écoute-moi bien, si tu me casses les couilles, ça va aller mal, là, vieux. Oui, mais je pense que vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, mec, si je te connais, je vais te péter la gueule, là, moi, ces imbéciles. Dis-moi qui tu es. Bah, je suis Toff. Ouais, et moi, toi, moi, je vais te tuer, ce connard. On me connaît les gens, ça, ça va? Mais je vous emmerde pas, monsieur, je voulais juste savoir si vous faisiez plus l'amour en été qu'en hiver. Je vais te tuer, espèce de connard. Ah oui, non, il est quand même pas... Ouais, j'ai des amis sympas, moi. Ah, il était en pleine forme, lui, hein. Ah oui, effectivement. Bah, très sympa, hein, le copain. Très sympa. Oh là là, on ne peut plus sympa, effectivement. Bon, ben, on rappellera d'autres endroits tout à l'heure, hein. Oui, avec plaisir. Pour l'instant, on n'a pas trop de réponses, mais c'est pas très grave. Mickaël à la radio. Le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Fun. À la radio. L'amour est dans le pré. Alors, on nous aurait éventuellement caché la vérité. Alors, Ben, qui est parti avec Céline, vous savez, là, celle qui a fait des vacances de ouf, là. Et toi, t'es parti déjà en vacances? En week-end, mais en vacances, pour dire... Enfin, si, quand même, une fois. Un week-end à Mons. Ah oui, c'était le week-end à Mons. Un week-end à Rémy, au Luxembourg. Et oui. Ah. Et à Rémy, au Luxembourg. C'est là qu'on voit que cette meuf a vécu des choses dans sa vie. Ah, elle a vécu des trucs assez surréalistes, effectivement. Hein. Eh bien, Ben, donc, qui est parti avec elle à Lisbonne, en fait, alors qu'il était déjà avec une autre. Et tu l'as rencontré où, cette fille? C'est une fille qui a vu mon portrait. Et puis donc on s'est croisé très très simplement, très bêtement dans une soirée d'anniversaire. Elle accompagnait quelqu'un et puis on a commencé à discuter et vous voyez, il y a eu un petit quelque chose et... Il y a eu un petit quelque chose. Voilà. Hein. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'on oublie de nous dire des choses dans cette émission-là. Souvenez-vous de ça à l'époque. T'es déjà passé à la TV? Oui. Ah oui, oui. Donc quoi? Comment? Une émission ou quoi? J'ai passé une cour d'assises. Ah oui, d'accord. J'ai eu un gros problème avec mon supérieur. Ouais. Et je l'ai malheureusement tué. Malheureusement tué, effectivement. Et bien, ça a donné de nouvelles idées au patron d'RTL TVI, écoutez. Après l'amour est dans le pré, RTL TVI présente. Alors ça, c'est la bergerie. Ça, c'est l'écurie. Et là-bas, c'est le... où j'ai noyé Marie. Oh, je vous l'avais pas dit? Oh, un détail. Le mort est dans le pré. Alors Mireille, tu bêches le sol, comme ça, puis tu plantes, et tu soulèves. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est le bras de mon ex. Je pensais l'avoir enterré près de la grange. Oh, bref. Bon, allez, on y retourne. Le mort est dans le pré. Ouais, donne à manger aux animaux avec cette pelle. T'es sûr? Elle est toute cabossée. Oui, je sais, mais c'est parce que c'est avec ça que j'ai éclaté la tête de mon ex, donc forcément... Le mort est dans le pré, bientôt à l'écran. Avec funebra.be. Voilà. Donc ça a donné des nouvelles idées. Encore une fois, ils sont forts, RTL, quand même. Ah, ils savent rebondir. Ah, ils savent rebondir, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Très, très fort. Mickaël à la radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h47, c'est maintenant l'instant, le moment d'écouter les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. Le 0-473-86-00-13. Vous donnez ce numéro de téléphone. Et puis, bah, forcément, à tous les relous. Hein, et puis, bah, forcément, bah, le relou, après, va téléphoner persuadé d'être sur le numéro de la personne qu'il essayait de draguer ou qu'il essayait, à qui il essayait de parler, avec qui il essayait d'être ami, par exemple. Et donc, forcément, en appelant, il va laisser son message. Et nous, bien évidemment, chaque matin avec grand plaisir, nous vous les diffusons histoire de se marier un petit coup avant d'aller bosser ou avant d'aller à l'école. 0-473-86-00-13. Écoutez le premier message. Ouais, je dis donc, je dis voilà, j'ai déjà mis la drogue de sa boîte, alors je vois qu'il y a moyen économique qu'un coup, quoi, ça va ? Alors rappelle-moi, bah, le tcha tcha, bisous, bisous. Ouais, ça m'étonne pas qu'il ait terminé là-dessus. Hein, déjà quelqu'un qui t'appelle. Oh, allez, rappelle-moi ma louloute. Bah dis donc, comment ça se passe? Il a dû prendre des trucs, hein. Ah ouais, je pense, ouais, il était pas clean. En tout cas, j'espère pour lui qu'il était pas clean, parce oui, que sinon c'est dur. Également, ouais. Sinon c'est très dur. Allez, deuxième message. Patrice, c'est encore grosse queue du 7012 ici. Je crois que je te vois là-bas à l'abri de bus, mais je sais pas si c'est toi. Putain, toi, tu chipotes, t'as ton téléphone, je sais pas si c'est toi qui a plus de batterie ou quoi. Moi aussi, je me chipote par la même occasion. Mais tu peux venir parce que je te dis, je vais rien te faire, hein. Voilà, t'as mon numéro, tu peux me recontacter parce que je veux pas attendre ici, moi encore, hein. Tu vas venir? Moi, je t'attends, hein. Non, mais il a un problème, hein. Pourquoi est-ce qu'il doit gueuler comme ça, comme un dingue? Mais parce qu'il est fou, je pense. Mais il est complètement la ramasse, effectivement, oui. Complètement la ramasse. Bon, je allez. Crois que la fille qui lui a filé ce numéro l'avait très très vite compris. Oui, c'est possible. Allez, deuxième et troisième et dernier message pour Starcy. Bonjour, voilà, ça fait plusieurs fois que je t'ai téléphoné. C'est toi qui m'a donné ton numéro de téléphone. C'est pour une rencontre, en fait. Voilà. À bientôt, j'attends tes nouvelles. Bon, eh bien, très bien. Mais tu ne veux pas me rencontrer et tu peux me dire que tu ne peux pas, donc je n'insiste pas à te rappeler. Dans le cas contraire, je vais faire. Voilà, je t'embrasse, à bientôt. Je n'insiste pas, vous te rappeler, dans le cas contraire, je continuerai à te faire chier jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas pour ça. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Tiens, Berlusconi n'est plus au gouvernement italien, ça on le sait évidemment, mais c'est pas pour ça qu'on ne le verra plus à la télé, puisque le Cavaliere vient de sortir son album. Et oui, quel bel album justement. Un petit jet d'eau, une station de métro, un tourier de bistrot, brigade, le chat camelot, ténacier, cuistot, fabricant de coco. Mais oui, c'est magnifique. Et déjà en live. Eh oui, déjà en live. Mais ce n'est pas le seul politique qui fait de la chanson. Vladimir Poutine s'est déjà essayé à la chanson pendant un gala de charité. Et puis en Belgique, bah aussi, hein, nous avons de grands chanteurs. On va voir si vous allez arriver à trouver qui chante. Écoutez, on va voir si vous arrivez à trouver si vous êtes fort. Écoutez bien. Radio, le replay. Fun Radio.